Donc, si le goût change,

Pourquoi on voit ces jugements-là? Parce que l'Église n'a rien dit. Tous les savants de la vie de la Et le thé a changé quoi? Là où le thé a changé.

De même si un esclave, là, il retient le pays. On ne le considère pas, c'est esclave. Et cela, c'est dans le grand lavage et la célébration. Mais en matière de Nagata, quand le village tout à Nagata, c'est que par exemple, le fait d'enlever ce qui est stable sur les éléments. Est-ce que ça veut dire que c'est ça? Ça veut dire quoi? Hein? Non? Quand les purités vivantes sont dans l'eau, quand la chose vivante dans l'eau, elle ne signifie pas du côté de la mission et de l'éducation. Mais dans le fait de laver le vêtement ou bien la soie, on peut utiliser cela. L'image, parce que cela va nous enseigner, lui, en ce qui concerne le fait de laver les choses. Donc ici, il y a une permission. Comme il a dit, Amma Izaratu Nagata, quand on fait enlever l'impureté, Bissar in Rayba, avec quelque chose qui est plus haut que l'eau, quand on fait comme le vinaigre, si il va dire Inda, mais il y a quand même une légende, mais là, il y a une légende. Mais là, le Jumuhu est allé, il a un Nagata, tout ça, le Baba. Le Jumuhu est allé, la majorité des savants dit que les statues qui sont sur les vêtements, on en est sur le bon cadre du jour. Voilà Abu Hanifa, Waliwaye Ibn Ahmad, et Abu Hanifa ainsi que le Waliwaye de Ibn Ahmad, il a le droit, il a le droit, il a le droit, de couper l'image et de faire. Et il dit que c'est permis d'enlever ce qui est sale. Si le vêtement est l'endroit, avec tout ce que je dis, autre que l'eau. Ça va? Avec tout ce que je dis, autre que l'eau. Parce qu'ils sont allés dans les rois d'Israël avec tous les marins comme tout liquide qui est pur, autre que l'eau, nous dit nous là, qui peut l'enlever, car le sac qui va dans comme le disait le pote, ou à l'Azali, cette deuxième parole-là, vous allez sortir ou Inch'Allah. Les hadiths en allé. Après les hadiths, il y a deux choses. Quand le hadith sera le seul, le messager d'Allah sera le seul qui dit Faïdaïa a tout le monde. Si même vous vient à la mosquée, Faïdaïa a tout le monde. Qu'il tourne sa chose. Faïdaïa a tout le monde. Et qu'il regarde sous le bas de sa mosquée, Faïdaïa a dit à la femme. S'il voit quelque chose de sale, va lui observer un peu qui le suit sur la terre, sauf qu'on va le soin des filles. En tout cas, on est à l'Inch'Allah, c'est quoi le bâton? C'est pas qu'il est oublié avec le chemin du bâton. Est-ce qu'il y a une condition pour cela? Il n'y a pas de condition. Si vous portez cette affaire, tu arrives que le bâton. Mais on va rentrer dans le monde des armées. Il va être frappé. Et il va être content de bien faire. Il va pas faire. Tu vas t'animer des armes. Mais à l'époque, le message de l'Allah, il priait sur le sang. Sur le sang. Ça va? Voilà pourquoi l'homme dit que c'est toi qui dis que tu vois, c'est dans la mosquée. Ça va être la parole de ton mari. Tu vas être ta vie. Ou bien que tu sois la même. Mais la vie de ça. Donc il a arrêté, il a éliminé. Ça va? Dans les autres, il est allé dans l'autre en Seven, il priait sur le sang. Donc, les savants disaient, il priait aussi avec la chaussure. Ça va? Il priait avec la chaussure. Et c'est vrai qu'il priait avec la chaussure. Alors, si c'est tout dans un voyage, il allait en route pour prier. Il a sa chaussure, même s'il a posé sa chaussure, il priait. Mais, il va regarder la mort. Il faut la chose qui regarde si elle est venue. Ça va? Ok. Quelle est la limite? Quelle est la limite de ce qui est là? Parce qu'il dit qu'on peut utiliser pour nettoyer les choses qu'on peut utiliser tout seul. Il y a des choses plus ou Non, en fait, La mission n'est pas compliquée. La mission n'est pas compliquée. Parce que quand on dit que la fille est malheureuse, la diana que toi tu fais, il y a le sunna des gens, il y a ce qui est wajib. Tu comprends? La sunna, c'est le temps de la mission, elle est lavée, faire rentrer de l'eau dans la bouche, à laver une partie, après laver l'autre partie. Ça, c'est la sunna. Si dans la diana, tu prends l'intention, tu rentres dans l'eau, tu sors bien dans une piscine et puis tu sors ta diana. Alors, si tu prends le saint d'âme, il a montré comment faire la diana. Al-Mustahab al-Bari. Et dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah a dit au sujet de la diana? Il a parlé du résultat. Le résultat, c'est de laver 100 000 ou 20 000. Laver tout le corps avec les mots. Et il n'y a même pas des idées pour ça, il n'y a même pas des idées pour ça. C'est rouge le roi. Le lavage obligatoire, ça met une balle de mal. La seule chose qui rentre de la diana, c'est l'intention qui est dans le monde. Sinon, tu vas te réveiller. Tu prends l'intention de la diana, tu te réveilles. C'est un des salamis, ça c'est là. Ça va? Maintenant, on est dans le monde. Hein? Vous lavez le corps? Moi, je dis qu'il est obligatoire. Il y a une bouche. Il verse tout son corps, c'est le tout, il verse pour que l'eau prenne tout son corps. Même s'il n'a pas de rentrer l'eau dans le nez, ni dans la bouche, ni prend les ablutions, c'est à laver le bon. Vous voyez comment c'est pas possible. Deuxième manière de le faire. Lorsque tu viens, avant de faire la générale, tu dois laver le corps. Pas qui est vide. Donc il vient, tu prends une serviette. Et tu prends l'eau. Comme ça, tu veux le diana, tu vas d'abord la partie, et tu prends l'eau, tu verses sa partie, et tu prends quelqu'un. C'est-à-dire, un gars. Tu fais rentrer la main pour laver sa partie, et tu finis de laver sa partie, et maintenant, quand tu veux le diana, tu finis la partie, et tu veux. Hein? Il va regarder. Mais pour le voir, quand il le voit, il y a des choses qu'on va faire sortir. Qui peut partir après, lorsqu'on vient dans le pays. Lorsqu'on vient, mettre. Voilà. Le médecin, ça va? Dans ce mouvement maintenant, c'est différent. Avant maintenant de faire prendre les ablutions, tu as vu légèrement si son ventre. Ça va? Pour qu'il fasse sortir des choses, qu'il lave ces choses. Si la fait sortir, tu laves. Maintenant, si tu finis de laver, maintenant, ce que tu fais, tu prends maintenant les ablutions. C'est la moitié que tu prends. Lave tes deux mains. Si tu veux, tu lèves tes deux mains aujourd'hui. Tu peux prendre la ablution, tu mets l'eau dans son nez, dans ta bouche. Hein? Mais là, on ne sort pas. C'est-à-dire, là-bas. Donc, quand tu manges, tu prends l'eau du son. Mais la vérité, c'est que tu mets l'eau dans ton nez, tu gardes comme ça. Tu finis, tu prends la mission correcte. Maintenant, le pied, tu peux l'étaler. Comme tu peux laver depuis le début de la mission. Comme le terrain. Tu étales, et puis maintenant, tu commences maintenant, tu mets maintenant du cidre dans l'eau, et puis tu prends l'eau maintenant, si tu n'as pas de cidre, tu mets quelque chose, tu mets le parfum. Ça va? Dans l'eau, et puis là maintenant ça va dire droite, ça va dire gauche, ça va? Ça va dire droite, devant comme derrière. Ça va? Ça va dire gauche, devant comme derrière. Mais tu laves là, trois fois. Si c'est pas propre, tu fais cinq fois. Nombre impair. Si c'est pas propre, tu fais sept fois. Neuf fois. Et à la fin, si tu te rends compte que c'est déjà propre, tu mets maintenant du capron dans l'eau, à la fin maintenant vous voulez le dernier restant avec cela. C'est fini. Capron là. Hein? Le capron, les gens vont dire. Tu mets ça dans l'eau. Et puis, La vie de Dieu. Il faut que tu le dises. Une aimée. Mais quand les choses de Dieu changent, on a déjà vu le jugement. Le plus que notre union soit dans les cinq cas. Tu en as parlé de quoi? Le savon. Le savon. Non, le savon ne prend pas tout le dessus. Il prend le dessus. Elle ne pas les ambitions et la diable. Mais elle peut utiliser la vie, les amis. Et pour le cela. Ça va? Donc, si on dira la race, ne pas vous donner la parole. Il y a aussi, ici, une réplique sur la parole de ceux qui ont mis la différence. Et il n'a pas dit là, je vais savoir où il a dit sa main. La preuve n'est pas parce que, comme ils disent que, quand nous avons dit, nous avons dit, avec les hadiths, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, il se base sur cela, et puis, il faut les attaques. Alors, si je suis en train de dire ça, je suis là. Quand tu as voulu aller de Paris, en tout cas, le ministre qui va enlever le diable, ne sache pas, le ministre va être, c'est pas les déchets, les petits déchets. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi les savants sont venus poser la question au messager de la Rasoul sallam, c'est le fond pour une vie de l'Islam. Le fruit qui est de l'Islam. Moi j'étais même souvent les femmes à l'état de Mansouri, j'étais les laisse-nous faire dans le monde. Et le professeur a donné la vie encore, parce que cette eau-là change d'état à chaque moment. Ça va? Change d'état à chaque moment. Surtout quand c'est l'eau qui coule. Tu comprends? Et nous avons expliqué que c'est bien le pouvoir avec l'eau entraînée des autres. Donc c'est que c'est une eau qui ne dépasse plus là. Quand le jour n'est pas sur là, même si tu vis au lieu, c'est à l'eau. Mais si la chose est condensée, alors quand la chose va se faire, c'est aussi comme on va le voir. C'est aussi le milieu dans l'eau stagnante qui ne bouge pas. Ça va? Maintenant, il bouge. Elle est intéressée. C'est pas intéressé. C'est la vie qui a monté de 20 heures. Concernant l'eau qui bouge. Ça va? Là, c'est la compréhension. Donc, il est là qu'il ne peut pas vous puisse appeler. Ils ont dit, dans leur, c'est-à-dire, division, ils disent que la roman du Nadia n'a fait pas une salie, si les philosophes sont dans l'eau qui est peu, Nadia boue. Les philosophes salient l'eau, savoir ou quel mot, religieux, au sort ou âme là, que sa description change ou pas. Actuellement, si le mal est dit, quand la l'eau qui est beaucoup, là, on a dit chou. Elle ne change pas, ne change pas, parce que ça va être un âme dans son. Jusqu'à ce que les descriptions changent. Ils disent quoi? Parce que nous, un peu, si les blessés sont dedans, même si les blessés n'ont rien changé, tout est bien. Mais si l'eau est beaucoup, alors on regarde maintenant si l'odeur et la couleur ou bien le goût va changer. Mais, si je sens divergés maintenant, c'est un prix qui paye la famille dans le quartier. Qu'est-ce qu'on appelle l'ombre et qu'est-ce qu'on appelle l'ombre? Papa la parle pour m'établir, ma baille n'a pour la tête. Ils ont dit c'est ce qui est en dessous de Bari, pour ma douna ou ma, c'est ce qui est en dessous. Donc, ils ont dit cela. Quand le Mohammed, le seul qui dit ma forme pour la tête, pour ma douna, ce qui est au-delà de deux ou là, c'est ce qui est en dessous. Ça va? Nous allons nous aller. Et la semaine prochaine, on va s'élever à partir de ma forme pour l'éveil, pour ma douna, ce qui est au-dessus de deux ou là. Je crois que la semaine prochaine, nous ne sommes pas là. Parce que ça fait que dans les mêmes que là, de la fête. Si vous ne pas les amis, sinon vous n'allez pas venir. Hein? Après, je vais vous blâmer, je vais vous dire, ils ne sont pas venus. Vous savez, c'est Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa ou Tachri, Aïa Thank you.